Lettre 89e, Calpurnie à son frère Lucius, Nicomédie, octobre 303. Que diras-tu, mon cher Lucius, lorsque tu liras cette lettre? Je suis promise et très près de me marier. Toi, Calpurnie, et avec qui, au nom de tous les dieux de l'Olympe? Ne le devines-tu pas? Il m'est impossible, je te le jure, de te raconter exactement comment cela m'est arrivé. Je ne le sais pas bien moi-même. Toute cette affaire a été si prompte, si inattendue, que je crois quelquefois que ce n'est qu'un rêve, et cependant c'est ce qu'on appelle un mariage d'inclination. L'as-tu nommé? Eh bien oui, c'est lui, Tiridate, et ta sœur sera sous peu de temps reine d'Arménie. J'aurai de la peine dans les commencements à me faire à ce titre, et plus encore aux formes, à l'étiquette d'une cour orientale. Cependant, je ne doute pas de réussir, et je suis d'avance convaincu que j'aurai autant de noblesse et de dignité comme reine que j'avais de grâce comme citoyenne romaine, ou que j'en aurais comme matrone de Nicomédie, si telle eût été la volonté des dieux. Mais ils ont voulu que je fusse d'abord la confidente, puis l'amie, puis l'amante, et enfin l'épouse du prince le plus noble et le plus aimable, et il faut bien obéir. Il est certain, Lucius, que le rôle de confidente est le plus dangereux pour une jeune personne chargée de consoler un malheureux beau et jeune. La compassion est le plus traître de tous les sentiments, et celui que l'on plaint du fond de son cœur est déjà à moitié aimé. Chaque jour nous attachait plus l'un à l'autre, et nous ne pouvions plus nous passer, moi de le plaindre, lui d'exciter ma pitié. Nous pleurions ensemble la perte de Sulpicie, elle nous était commune, et l'analogie de notre douleur nous rendait nécessaire le besoin de nous la communiquer. Il m'entretenait des premiers temps de son amour, du charme d'être aimé de ce qu'on aime, de l'impossibilité de vivre sans son bonheur quand on l'a goûté une fois, de tout ce que Sulpicie lui avait dit de moi, et combien elle avait désiré que les deux êtres qu'elle avait le plus aimés fussent unis aussi d'une éternelle amitié. Peu à peu il changea ce mot dans ses récits, et il y substitua celui d'un éternel amour, et je crus obéir à ma Sulpicie en l'écoutant et en y répondant. D'autres circonstances se réunirent pour accélérer sa résolution de former un nouveau lien. Le départ subi de Dioclétien exigeait une prompte déclaration. Son absence pouvait durer une année, et Tiridate, ne pouvant pas abandonner tout ce temps-là à son royaume, et ne supportait pas plus l'idée d'y retourner seule que celle de me quitter. Tu connais les rapports des princes alliés avec la cour de Rome et la situation de l'Arménie à l'égard de la Perse. Il est absolument nécessaire que le trône soit assuré à Tiridate et à ses descendants d'une manière irrévocable. Dioclétien lui demanda de faire un nouveau choix avant son départ. Il suivit le vœu de son cœur et me demanda formellement ma main. Aurais-je pu la lui refuser? Et quel motif à léguer? La précipitation de ce nouveau lien? Ah, je le connaissais depuis 2 ans, bien mieux que si c'était moi qui l'eût aimé tout ce temps-là. J'avais pu le juger sans prévention, et il n'avait eu aucune raison de dissimuler son caractère, un peu léger peut-être, mais franc, généreux et sensible, digne d'être l'ami d'Agathoclès, et ce seul mot fait son éloge. Que je ne l'aime pas, avec la passion que des têtes exaltées croient nécessaire au mariage, mais moi je crois et je sens que j'aime de reste, et plus qu'il ne faut pour être heureuse, qu'il le mérite par 1000 qualités essentielles et brillantes, et par un extérieur qui me plaît, n'est-ce pas plus qu'il ne faut pour le bonheur? Mes prétentions sur les perfections des hommes ont toujours été très modérées. On peut, dans la jeunesse, rêver des contes milésiens, mais dans le monde les choses vont autrement. Le mariage est à mon avis une chose trop sérieuse pour s'en occuper longtemps, car alors on ne se marierait plus, et que deviendrait le monde? Ce n'est pas d'ailleurs une bagatelle que d'être reine, et ce mot flatte agréablement l'oreille. Quand même, ce n'est que d'un petit royaume. Il n'y a que 2 Augustes et 2 Césars, et les Augustes sont toujours un peu vénérables. Quelle ambition désordonnée aurait une femme qui, libre de choisir entre Dioclétien, maître du monde, ou Tiridate, roi d'Arménie, préférait le vieux empereur au beau jeune prince orné de toutes les grâces? Mon sort est donc irrévocablement décidé. Dieu, quand ma main trace ce mot et que je réfléchis bien sérieusement à ce que je vais devenir, il me prend un affreux saisissement. Se marier, remettre le destin de sa vie entière entre les mains d'un homme, le suivre dans des pays lointains où il commande en maître, où pas une âme n'ose appeler de ses arrêts. Vraiment, Lucius, si j'avais fait plus tôt ces réflexions, telles qu'elles me frappent dans ce moment, il est plus que probable que j'aurais refusé. Heureusement pour Tiridate que je m'en avise trop tard. Il n'y a plus moyen de rétrograder. Mon mariage est annoncé publiquement. Auguste l'a communiqué lui-même à sa cour. Tiridate est ivre de joie. Il m'aime avec passion et j'en suis fâché. Combien cela durera-t-il? Comment ferai-je pour me préserver du sort de Sulpici et comment puis-je espérer de l'éviter? Car je n'ai nulle envie, je te l'avoue, de mourir d'amour et de désespoir. C'est à m'en garantir que je vais employer toutes les forces de mon esprit. J'ai pour moi l'expérience de Sulpici et assez de calme dans le cœur pour conserver du pouvoir et sur moi et sur Tiridate. Mon sort dépend de moi seul. Personne en Arménie ne prendra mon parti et ne peut me protéger. Je dois donc être tout pour moi et me protéger moi-même. Il faut pour cela conserver ma raison, mon sang-froid, ma fermeté. Je dois garder avec soin la souveraineté de mon propre cœur si je veux régner sur le sien. Aussi longtemps qu'il espère, qu'il désire, qu'il craint, tout me sera facile. Mais quelque sage et prudente que je puisse être, il viendra cependant un temps où le charme de la nouveauté et l'ennui de l'habitude détruiront tout mon ouvrage. Jusqu'à ce moment, il faut lui inspirer une estime sans bornes pour mon caractère, une admiration fondée sur mon esprit et une confiance entière dans mon cœur. Alors l'ami ne perdra aucun des droits qu'avait l'amante, et s'il est infidèle, ce ne sera pour moi qu'un jeu sans conséquence, et que je veux bien tolérer, sûr d'avoir toujours la bonne part, et qu'il ne trouvera point de calpurnie. Jamais je ne me mêlerai des affaires et de la politique de son empire, au moins jamais directement. Cherche-t-il les conseils d'une amie? Veut-il verser ses peines dans mon cœur? Eh bien, je partagerai fidèlement ses soucis, et je viendrai à son secours. Je ne perdrai point de vue ma sphère rétrécie. Mais lui ne doit point oublier non plus que j'ai quitté ma ravissante patrie, que j'ai sacrifié le bonheur de vivre au sein d'une famille respectable dont j'étais chérie pour le suivre dans ses montagnes et devenir la femme d'un tyran barbare, comme s'exprimait le père de Sulpici. J'ai eu aussi avec notre père un entretien à ce sujet, et jamais je n'oublierai les conseils vraiment paternels qu'il m'a donnés. Il se réjouit beaucoup du sort brillant que je vais avoir, et de me savoir l'épouse d'un homme tel que Tiridate. Cependant, je sens très bien que l'idée de renoncer à la société d'un enfant bien-aimé auquel il était habitué doit lui faire beaucoup de peine. Ce sentiment pénible s'empare alors aussi de mon cœur, et je ne sais comment je pourrais me passer de le voir tous les jours. Mais ce n'est plus le moment de me laisser aller à de telles idées. À moins que je n'eusse voulu vivre en vestale dans la maison paternelle, il fallait bien la quitter un jour. Et comme je ne connais aucun homme qui me plaise plus que Tiridate, je préfère de la quitter avec lui. Aucun point de fausseté, ni avec moi-même, ni avec mon frère. Ce que j'éprouve pour Tiridate est bien différent du sentiment qui inondait autrefois mon cœur. Il se peut aussi que cette différence ait sa source plutôt dans le genre de relation que dans les personnes mêmes. Autrefois, j'étais incertaine, agitée par le doute, mon imagination toujours tendue entre la crainte et l'espérance, et mon cœur et ma tête dans un état d'exaltation. À présent, au contraire, tout est calme, positif. Mes sensations sont d'une nature plus tranquille, sans être plus froide ou plus faible. Que cela soit ou ne soit pas, je ne veux pas me laisser aller à éplucher toutes les ramifications de mes sentiments passés et actuels. Cela ne sert à rien, et il n'en peut résulter que du mal. Agathoclès sera témoin à notre mariage. J'ai inspiré à Tiridate l'idée d'exiger de lui de différer un voyage qu'il est prêt d'entreprendre sans que le roi ait deviné mes motifs. Et quels sont-ils? Je ne sais encore moi-même quelle espèce de jouissance mon orgueil y trouve. Quoi qu'il en soit, je le désire, et j'envisage sa présence dans cette occasion comme un de mes plus grands plaisirs. Adieu, mon cher. Mon genre de vie est à présent très dissipé. Tu peux en juger à la lecture de cette lettre. Avant que je quitte Nicomédie pour m'éloigner davantage de toi, je t'écrirai sûrement encore. Tiridate t'embrasse en frère et gémit, ainsi que moi, que tu ne sois pas avec nous. Point de bonheur parfait en ce monde est un axiome qu'on ne saurait trop se répéter. Adieu.